Deux hommes, deux âmes, deux artistes, deux rayons de soleil. Ma vie m'accélère, on m'a dit que c'est l'heure. C'est la musique, c'est l'art, pas là pour le succès, je graille. Cousse visons la droiture, on le sait que c'est hard. Ma musique est éclairée, voilà tout son charme. Les ténèbres, beaucoup de femmes avec très peu d'âmes, très peu d'hommes. Résiste au mal, éveille ta conscience. Personne ne pourra me dicter ma façon de penser, ma façon d'informer, de toute façon à nos enfants. Bon Dieu, qu'importe le format, les anges sont passés me voir. Le temps est glacé ce soir, mon côté sombre à la lumière. Le soleil brille sur mon visage, le temps passe, le stylo pleure. Il est temps de m'émouvoir, que de passage sur cette terre, que la lumière s'élève. J'ai appris à ne pas répondre si tu me casses les lèvres. De l'amour, je voudrais être l'élève. Marmot a pété un câble, prends ce texte comme un rayon de soleil. Âme de passage, que la lumière s'élève, éclaire cette salle, que les esprits s'éveillent. Tous de passage, chacun aura son heure de réveil. Œuvrez dans le bon sens, active ta conscience avant le profond sommeil. Âme de passage, que la lumière s'élève, éclaire cette salle, que les esprits s'éveillent. Tous de passage, chacun aura son heure de réveil. Œuvrez dans le bon sens, active ta conscience avant le profond sommeil. Ma force vient ouvrir le soleil, je remercie le ciel pour toutes ces merveilles. Plus on s'élève, plus on s'éveille, attiré par cette lumière. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, amen. Nous sommes tous des guerriers spirituels, expérimentant une vie humaine. Donne-moi ta main si tu m'aimes, mon son une bénédiction qui guérira toutes tes peines. Ma lumière éteindra ta haine, te faire comprendre que la vie en vaut la peine. À toi de briser tes chaînes, l'amour je sème. Il y a trop de gens qui saignent et qui jouent à se faire du mal. Emprisonné par cette spirale infernale, je suis revenu sur la terre pour comprendre que je suis une vieille âme. Je prends une bonne inspiration et franchirai les étapes. On est tous capables, allons grimper jusqu'au sommet et ressentir tous ces miracles. Restons conscients et ne pas se laisser entraîner par le mirage. Tous les deux, on sait ce que je suis de toute manière. Moi, je pense que tu peux être tout ce que tu as envie d'être, tout ce que tu veux. Peut-être dans ton monde, Robert. Dans le mien, ça se passe pas vraiment comme ça. Âme de passage, que la lumière s'élève, éclaire cette salle, que les esprits s'éveillent. Tous de passage, chacun aura son heure de réveil. Œuvrez dans le bon sens, active ta conscience avant le profond sommeil. Âme de passage, que la lumière s'élève, éclaire cette salle, que les esprits s'éveillent. Tous de passage, chacun aura son heure de réveil. Œuvrez dans le bon sens, active ta conscience avant le profond sommeil.